Avant propos, il est toujours bon d'avoir une vue d'ensemble. Nous sommes souvent prisonniers de notre propre petit monde, entourés de défis et de difficultés qui semblent s'accumuler. Nous commençons par nous concentrer sur nos lacets de chaussures et les petites choses qui nous entourent, plutôt que de lever nos yeux vers l'horizon pour avoir une vue d'ensemble. Spirituellement, nous devons avoir une idée d'ensemble, tout en étant attentifs aux petits besoins qui nous entourent. Jésus dit en Luc 16:10, « Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. » Il dit aussi en Luc 21:28, « Redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche. » Être humble et fidèle dans les petites choses de la vie est important, mais il faut aussi avoir une vue d'ensemble. Ce livre exceptionnel, « Les appelés, les élus, Dieu a toujours eu un peuple », fera tressaillir votre cœur, alors que vous suivrez la main de Dieu, protégeant et conduisant son peuple fidèle à travers l'histoire. Il dévoilera pour vous le thème de la grande controverse. En tant qu'adventiste du septième jour, vous irez à la recherche de vos racines au tout début de l'histoire, et vous découvrirez le rôle unique que Dieu a retenu pour votre Église et qu'elle doit jouer en ces temps de la fin de l'histoire du monde. Jésus revient certainement bientôt, et la longue lignée des disciples de Dieu, attachés à la vérité de la foi, a culminé dans le mouvement providentiel qu'est l'Église adventiste du septième jour. À partir de la Bible et des indications de l'esprit de prophétie, nous comprenons que cette Église forme le peuple du reste de Dieu, son Église du reste, qui doit proclamer les messages des trois anges avec la puissance du Saint-Esprit, conduisant les humains à Christ et à son salut, à la repentance et à la justification en Christ, à la véritable adoration de Dieu et au proche retour du Christ. Réfléchissez à ces fortes paroles d'Ellen White animées de l'esprit de prophétie. « J'ai été chargé de dire aux adventistes du septième jour du monde entier, Dieu a appelé notre Église à être son trésor particulier. Il a ordonné que son Église demeure parfaitement unie sur la terre, dans l'esprit et le conseil du Seigneur des armées jusqu'à la fin des temps. Message choisi 1, volume 2, page 458. Si jamais vous avez douté de la mission et de la raison d'être de l'Église adventiste du septième jour à laquelle vous appartenez, ne doutez plus. Nous sommes dans une période de l'histoire sans comparaison avec aucune autre dans l'histoire de ce monde. Un temps au cours duquel le Seigneur emploiera son peuple de manière puissante pour proclamer le message d'Apocalypse 14 et pour préparer des gens par la grâce du Christ, pour son proche retour. Votre 1 publication interaméricaine, Mountain View CA, PPPA, 1971. Église a été appelée à faire cela. Vous avez été appelé par Dieu pour faire cela. Le livre intitulé « Les appelés, les élus », écrit par Ken McFarland, est fondé sur la grande vision d'ensemble de Holly Scarborough. Il confirme la déclaration suivante. Les adventistes du septième jour ont été choisis par Dieu comme son peuple particulier, séparé du monde. À l'aide du grand couperet de la vérité, il les a extraits de la carrière du monde et les a mis en rapport avec lui-même. Il a fait d'eux ses représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs dans la dernière œuvre de salut. Les plus grandes richesses de la vérité jamais confiées à des mortels, les avertissements les plus solennels et les plus effrayants jamais envoyés par Dieu à l'homme, leur ont été confiés pour être délivrés au monde. Testimonies for the Church, 27, page 138. Pouvez-vous imaginer la responsabilité que Dieu a fait reposer sur vous et sur moi dans ces derniers jours décisifs de la grande controverse entre Christ et Satan? C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de prendre du temps pour étudier soigneusement les Écritures et l'esprit de prophétie, en priant pour recevoir la puissance du Saint-Esprit et en partageant ce magnifique message qui doit être diffusé à travers le monde par la grâce de Dieu. Ne soyez jamais hésitant à propos de votre foi et de l'héritage de vérité qui nous a été donné par Dieu. Ce livre va consolider votre conviction que les adventistes du septième jour disposent d'un mandat divinement inspiré à partager avec le monde. Considérez ce grand défi. En un sens particulier, les adventistes du septième jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porte-flambeaux. Il leur a été confié le dernier avertissement à un monde qui périt. Sur eux prit une lumière magnifique provenant de la parole de Dieu. Il leur a été confié une œuvre de la plus solennelle importance, la proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. Il n'y a pas d'œuvre qui soit aussi importante. Rien d'autre ne doit distraire leur attention. Testimonies for the Church, volume 9, page 19. Lorsque vous lirez ce livre et verrez comment Dieu a guidé son peuple tout au long de l'histoire jusqu'à nos jours, vous verrez que le Seigneur savait que son Église du reste de la fin des temps aurait besoin d'une aide particulière venant du ciel. Il a suscité l'esprit de prophétie qui nous ramène à la Bible. Il a donné ce don à l'Église adventiste, parce que cette Église est l'instrument choisi par le ciel pour proclamer le dernier message d'avertissement au monde, et pour porter l'attention des gens sur le Christ, sur son prochain retour, et sur la véritable adoration de Dieu qui perdurera pendant l'éternité. Dieu a indiqué en Apocalypse 12:17 que son Église des derniers jours possédera deux caractéristiques particulières. Elle gardera les commandements de Dieu, y compris le sabbat du quatrième commandement, et elle possédera le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie. Vous faites partie de ce grand mouvement, et alors que vous lisez ce livre, cela vous sera rappelé à la fin de chaque chapitre, en ces termes. À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple, fidèle et loyal, appelé et élu, et il a encore un peuple particulier aujourd'hui. Combien il est passionnant de faire partie du peuple de Dieu qui possède l'heureux et unique privilège de partager l'amour de Dieu et la nouvelle du prochain retour du Christ avec le monde entier. Comme Ken MacFarland le dit dans ce livre palpitant, « Vous êtes l'un des messagers du reste qui connaît la voie pour sortir vivant de cette planète et qui possède à la fois la mission et le privilège de le partager avec d'autres. Vous êtes de ceux que Dieu a choisis pour la fin. Puissiez-vous être béni, rafraîchi, stimulé et rempli de l'Esprit pour la mission, alors que vous lirez comment Dieu a conduit son peuple dans le passé et comment il nous conduit vers l'avenir et la vie éternelle, dans le nom de Jésus-Christ. Quel privilège nous avons de faire partie de cette Église. Ted N.C. Wilson, vice-président, Conférence générale des Adventistes du septième jour. Préface. La plus grande histoire que le monde ait jamais connue. Ceci est un livre d'histoire. C'est l'histoire du long conflit entre le bien et le mal qui a commencé il y a des milliers d'années et qui n'est pas encore achevé. C'est l'histoire du petit nombre de ceux qui sont restés loyaux au cours des siècles et qui ont pris courageusement et fermement position pour Dieu. Et plus spécialement, l'histoire de ceux qui, près de la fin de l'histoire, contribuent à achever le grand combat. C'est l'histoire des appelés, des élus, de ceux qui ont été appelés à sortir de l'erreur et de la rébellion pour accéder à la vérité et à la loyauté. L'histoire de ceux que Dieu a élus pour enseigner au monde sa vérité et lui montrer ce qu'il est réellement. Comprenez que ce livre n'est pas une histoire exhaustive, d'ensemble. Chaque chapitre ne touche que légèrement des sections de l'histoire que d'autres livres ont couvert en profondeur. Pour ceux qui en désirent un traitement plus détaillé, il est disponible dans nombre d'autres excellents livres. Notre projet ici, plutôt que de présenter une vue d'ensemble, est de rapidement voyager à travers le temps jusqu'à nos jours pour découvrir comment les fidèles de Dieu aujourd'hui constituent le dernier lien d'une chaîne ininterrompue depuis Adam. Ce livre n'est pas non plus un traité académique avec des notes de bas de page. Ce n'est pas là la forme d'une histoire. Ce livre est plutôt personnel, populaire et centré sur la relation entre Dieu et ses disciples. Ce livre est une abréviation du même récit historique raconté par Ellen White dans sa série de livres sur la tragédie des siècles. Mais s'ajoute ici une continuation de l'histoire des pérégrinations du peuple de Dieu au cours des décennies qui ont suivi la publication de cette série. Lucifer et Michaël, Adam et Ève, Noé, Moïse, Pierre et Paul, les Vaudois, Martin Luther, James et Ellen White, vous les trouverez tous ici et bien d'autres. Introduction. L'original et la contrefaçon. Vous êtes un adventiste du septième jour. Que vous ayez grandi dans l'Église ou que vous ayez été baptisé à une époque tardive de votre vie, il vous a été enseigné que l'Église adventiste est l'Église du reste choisie par Dieu, un mouvement que Dieu lui-même a suscité pour appeler ses vrais disciples à sortir de la confusion babylonienne des autres Églises. Mais êtes-vous certain de cela? En êtes-vous absolument sûr? Après tout, la World Christian Encyclopedia identifie 10 000 religions distinctes à travers le monde. Et juste une seule de ces religions, le christianisme, comprend 33 830 différentes dénominations mondiales. Chacune de ces dénominations est convaincue d'être la véritable Église de Dieu sur la Terre. Faites usage des mots « véritable Église » pour une recherche sur Internet, avec un moteur tel que Google, et vous obtiendrez en retour plus d'un demi-million de résultats. Demandez à un mormon, un témoin de Jéhovah, un catholique, et chacun se précipitera pour vous assurer que la sienne est la seule véritable Église sur la Terre. Il en sera de même pour les membres de toutes les autres dénominations, comme ce sera le cas des membres de la foi juive, ou les musulmans, les bouddhistes ou les anglicans. Mais tous peuvent-ils avoir raison? Et si Dieu a vraiment une véritable Église sur la Terre, pouvez-vous être certain que la vôtre, l'Église adventiste du septième jour, l'est bien? Peut-être qu'il y a bien longtemps, vous avez répondu à cette question pour vous-même, sans l'ombre d'un doute. Si c'est le cas, l'histoire dont vous parleront ces pages vous confirmera certainement dans votre certitude. Elle vous ouvrira les yeux sur le rôle exact que Dieu vous a appelé à jouer personnellement dans le grand conflit entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur. Peut-être cependant, vous demandez-vous avec la question, au moins occasionnellement, de savoir si votre Église, l'Église adventiste du septième jour, est bien, de fait, dépositaire du message de Dieu pour les derniers jours et rassemble les disciples qu'il s'est choisis. Vous vous demandez parfois si cette prétention n'est pas un peu audacieuse, exclusive, même arrogante. Vous vous rappelez comment le peuple d'Israël de l'Ancien Testament, bien que choisi par Dieu et dépositaire de sa vérité, en est venu à se considérer spirituellement supérieur à toutes les autres nations, même quand il s'est immergé lui-même dans leurs pratiques barbares et païennes. Si vous n'êtes pas parvenu à une conclusion à la question du rôle de votre Église, l'histoire racontée dans ce livre vous apportera certainement des informations qui vous aideront à trouver votre propre réponse. Vers le milieu des années 1950, aux États-Unis, un jeu télévisé intitulé « Pour dire vrai » fut produit sous diverses formes, disparu puis revint jusqu'en 2002. Quiconque d'entre vous a vu ce programme de télévision sait qu'il mettait en scène trois intervenants qui prétendaient chacun être la même personne, mais deux d'entre eux étaient des imposteurs. Un panel de célébrités interrogeait les intervenants puis votait pour celui qu'elles pensaient être la vraie personne. Après le vote, l'animateur posait la question « Le véritable ?» et là il introduisait le nom de la personne en jeu « Veut-il bien se lever ?» Aujourd'hui, nous pourrions bien poser la question « La véritable Église veut-elle bien se lever s'il vous plaît ?» Pour trouver la réponse à cette question, devons-nous examiner toutes les croyances de toutes les 10 000 religions du monde, y compris des plus de 33 000 groupes chrétiens? Heureusement pas. Qui en aurait le temps? Et le procédé déboucherait sur une confusion absolue. Au lieu d'étudier chacune des religions de la terre pour savoir laquelle enseigne la vérité, examinons plutôt la Bible pour y découvrir les traits qu'elle nous offre pour identifier la véritable Église de Dieu. Au lieu d'étudier les contrefaçons, étudions simplement l'article d'origine. Sur le site web des services secrets américains, vous pouvez trouver une section appelée « Comment reconnaître de la fausse monnaie ». Voici ce qu'il y est dit. Examinez l'argent que vous recevez. Comparez le billet suspect avec un vrai billet de la même valeur et de la même série. Soyez attentifs aux différences, pas aux similitudes. Évidemment, pour suivre ce conseil, vous devez posséder un billet authentique que vous pourrez comparer aux autres. Et vous devez connaître l'original sous tous ses aspects. Un bon agent des services secrets de la division des contrefaçons passe la plupart de son temps à connaître l'original et non à examiner les contrefaçons. Parce qu'une fois qu'il a fait cela, il lui est facile de détecter une contrefaçon. Dans les pages qui suivent, nous découvrirons ce que la Bible dit sur l'original au regard de la contrefaçon. sur la vérité par rapport au mensonge. Mais chaque histoire a un commencement. Qu'en pensez-vous si nous commencions ici?